quand vous êtes avec moi, vous ne sentez pas de fatigue. Et si vous ne générez pas la même vibration dans vos questions avec lui, vous allez sentir une fatigue. Puis automatiquement, ça voudrait dire que vous n'êtes pas prêt à pouvoir recevoir de l'information de lui. Vous êtes comme un système communicant. Il y a une relation vibratoire entre vous autres et lui. Le système communicant, il est fondé sur votre capacité de ne pas parler avec micro-tôt, de parler à l'intelligent. Donc automatiquement, comme ils disent en anglais, you have to shoot for the stars in your question. Aim for the top. Don't aim for the middle. You have to aim for the top. Il y a une question? Oui. Est-ce que Guy, tu peux nous parler de l'agressivité? Tu veux donner plus de vibrations à ta question? Quel sorte de genre d'agressivité? En tant que... Oui, tu dois jamais demander à quelqu'un